Nikia, Adja, pour tous ces îles, ce masculin, c'est vital dans nos vies, féminin. Troisième personne du singulier, mon papa, le parolier, celui qui a laissé ses gènes dans mon calendrier. Né le 20 février, dans le quartier des Bosquets, il me boxait d'un seul regard intransigeant. Il ne laisse rien passer, mon enfance était droite, pas de vagues ni de coups d'affable, sinon c'était la tarte. Il est si dur, c'est sûr, mais c'est pour mon bien. Et bien que j'ai du mal, des fois je me décarte, je redoute sa main. Fier d'être de son sang, mon alar et descendant, représentant son nom, le daron. Mais la pression, il m'a donné ses instruits pour que je lui offre ma musique, que je fasse de ma vie le meilleur de mes classiques. Il est par définition un pronom personnel, représente l'éternel, mon mec infidèle. Pardon pour tous mes péchés, j'implore son nom dans ma détresse, le remercie dans mes succès. Lui seul le sait, si je suis vrai, dans le ham, je paierai les frais. Nous sommes tous ses enfants, lui seul peut te juger. Je redoute sa colère, les tremblements de tonnerre. Il est puissant et toute son histoire reste un mystère. Je garde la foi, crois en la vie après la mort. Inch'Allah, comme disent mes frères au cœur d'or, en passant qu'il bénisse l'avenir de mon meilleur ami, parce que son pénis est tout aussi sale que Katsumi. Je le kiffe malgré tout, ouais, j'ai besoin de lui. Ses soucis deviennent les miens, et comme on dit, c'est la famille. J'ai mes qualités, il a ses défauts, on se complète. T'as même pas idée qu'à nous deux on est trop, trop complices pour qu'il me cache à ses meufs. Trop pour le Hesham, voilà Darren, qu'elles sont trop chum. Il est par définition un pronom personnel, représente l'éternel. Mon mec infidèle. Confier ma vie, donner mon corps, ouvert mon cœur et me perturbe l'esprit. Il me rend belle, c'est l'homme que j'aime, mais c'est aussi ma source de problèmes. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ni d'âme ou son coup de pute. Pati Sangana, combien de fois j'ai voulu le buter, j'ai failli le shooter avec toute cette tasse. Mais un fils nous lit, c'est là toute la difficulté. C'est ma source d'inspiration. Celui pour qui je me priverai sans hésitation. Celui pour qui j'ai sorti mes tripes, j'ai poussé mes cris. Ce nouveau chapitre de ma vie, rue de la maternité, responsabilité, entraîne un autre degré de maturité. Dorénavant, plus toute seule, je pense pour deux. Et mon portefeuille gâte la prunelle de mes yeux. Il est par définition un pronom personnel.